Parmi tes souvenirs, des laves avariées, des traumas enfantins, pas pourris mais gâtés, des dindons, des farces, des clams mal digérés, des parties de Scrabble, pas perdues mais trichées. Mais il y a l'Italie. Et l'Italie, c'est beau. Arezzo la nuit, Florence à midi, Venise et ses canaux. Rêveuse dans la brume, tu traînes le long des digues. Tu aurais eu le temps de tuer un âne à coups de figue. Tu songes à effacer tes bleus de méthylène dans la prochaine barge, quitter ton île vilaine. Tu pars enfin à vide, adieu peine perdue. Tu embarques à 15h, ton port est inconnu. Mais il y a l'Italie. Et l'Italie, c'est beau. Arezzo la nuit.